Voici l'humeur de Guillaume Wins. Oui. Bonjour les amis. Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors hier matin, j'étais chill, je construisais mon char pour la Gay Pride. Quand soudain. Mon char, oui. Quand soudain, je vous le donne en mille, qu'est-ce que j'entends aux informations populaires radiodiffusées en français moderne? Je sais pas que Dominique Voynet, ben, en fait, elle est devenue pilote de karting. Non, pas du tout. Bien essayé. Moi aussi, non, mais je m'inquiète. Qu'en est-il de Dominique? Que fait-elle? Où en est-elle? Qu'a-t-elle choisi comme défi finalement dans sa nouvelle vie? On ne sait pas. Non, en fait, j'ai entendu dire que le chef étoilé Sébastien Bras avait renoncé à ses 3 étoiles. Oui, Michelin. Ouais. Après, on s'étonne que la France gagne rarement des guerres. En vrai, Maréchal? Affirmatif. On est bien d'accord. Il y a des restaurants qui tueraient pour entrer au Michelin, vraiment. Regardez le McDo de la Gare de l'Est, par exemple. C'est vrai, je connais bien le chef et tout. Je vais là manger neuf fois par semaine là-bas avec Leïla. Bah, c'est le premier McDo, en fait, qui a servi un vrai hamburger de viande en 2011. Mais le Michelin veut pas lui lâcher son étoile, soi-disant parce que le ragondin, ça compte pas dans les viandes steak hachées. Après, je comprends, c'est une grosse pression d'être dans le Michelin. Tu dois être au top en permanence. Regardez-moi, je suis dans le classement Télérama des 15 spectacles à voir éventuellement à Paris si vous trouvez 20 € par terre et qu'à la télé il y a rien à part une pièce de Francis Perrin, le tirage du Keno. C'est un super classement, vraiment, c'est un peu le Michelin des humoristes. Je suis 9e dans le classement, juste devant moi il y a Jean-François Derek. Il y a un prestige, t'es obligé de tenir ton rang du coup, alors que parfois t'es pas bien. La veille tu t'es fait larguer par ta meuf via la messagerie du Bon Coin, ben, tu vois, dans une réunion de famille t'as découvert qu'en fait Laurent Wauquiez c'est ton cousin, tu vois, c'est horrible quoi. Nagui s'est moqué de toi parce que t'avais pas des habits de marque, tu vois, la honte. Ton pull a coûté moins de 200 €, enfin on les connaît ces douleurs, on les vit tous les jours ces douleurs. C'est vrai, il y a des soirs où t'as pas envie de rire, t'as juste envie de crever dans un djembé. C'est vrai. Ça doit être pareil pour Sébastien Bras à son petit niveau là. C'est vrai, il a 3 étoiles depuis 2009. Ça veut dire que depuis 2009, il est à bloc pour pas décevoir les gens. Tout ça parce que dans le Michelin, il y a écrit que si tu vas dans son resto bouffer ta feuille de salade roulée façon bédo sur velouté de pantoufles en croûte de fil de pêche, bah, t'en auras pour tes 400 balles pinard et vestiaire compris. Alors que parfois, le chef, c'est juste un humain. Ce soir-là, il a peut-être pas la tête, ouais, à ça. Il a peut-être juste envie de te servir un spaghetti cuit 16 minutes avec son pot de Lidl dans son assiette creuse de la veille, suivi de son émincé. Si t'es pas content, tu vas te faire mordre le cul. Ça peut arriver. Mais c'est vrai, ça peut arriver. Alors sérieux. En plus, la Top Chef reprend ce soir, il y a encore un pauvre mec qui va se faire humilier devant la France entière parce qu'un de ses chromeski choucroute pain d'épices manque un poil de croquant. Suite à follow your dream, Jean-Cédric. C'est vrai, putain, mais laissez les gens respirer, quoi. C'est pas naturel de se mettre autant la pression quand t'es cuisinier ou quand t'es artiste. Je dis pas quand t'es chirurgien, par exemple. Là, c'est pas pareil. Genre, je me suis fait opérer mardi passé. J'aurais trouvé ça moyen, vraiment, que mon chirurgien. Ouais, je sais pas, je vous préviens direct, j'étais pas dans un bon jour aujourd'hui, vraiment. Je vous ai pris un rein, ça va pas vous aider pour votre tendinite. Mais si vous avez 2 heures à tuer la semaine prochaine, limite, je vous le remets, sinon, on vous le revendait Hugo Frey. Bah, je dirais, non, mais s'il y a bien une profession où il faut un guide Michelin, c'est chez les chirurgiens. T'imagines, le docteur Marc Lagrange vient de recevoir sa 3e étoile pour le combo ablation de la plèvre, agrandissement de la teub. Son opération signature, avec Daniel Morin qui témoigne masqué dans le JT. Oui, c'est la 6e fois que je me rends chez le docteur Lagrange, c'est toujours un enchantement. Il est même plus obligé de toucher à ma plèvre. Fantastique. Mais non, faudrait pas un guide Michelin des chirurgiens parce que c'est une tare de l'humanité de vouloir toujours mettre ses membres en compétition. Fuck la pression et vive Sébastien Bras. Allez, bonne émission. Ouais, bravo. Bravo. France Inter, Nagui, la bande originale.